Et pour le générique, idem, du côté des ventes de CD, c'est le carton total aussi. Énorme succès pour ce feuilleton, une saison 2 verra le jour. Et là, cette semaine, hélas, alors depuis plusieurs années, on perdait des membres du casting, mais cette fois-ci, on vient de perdre Nicole Croisi. Alors, elle a eu une vaste carrière dans la chanson, mais de notre côté, à Destination Série, on reste attaché à ce générique inoubliable des cœurs brûlés. Bonjour Benoît, bonjour Sylvain. Bonjour Laurent, bonjour Sylvain. Bonjour Laurent, bonjour Benoît. Voilà, c'est vrai qu'une très jolie chanson de Nicole Croisi qui a bercé notre été 92, comme tu l'as dit, avec cette belle chanson générique et des cœurs brûlés qui a précédé Les yeux d'Hélène, c'est ça ? C'est ça. C'était la saison 2. On ne pouvait vraiment pas commencer ce nouveau Destination Série sans faire un clin d'œil à cet artiste qui a marqué son époque, qui a marqué aussi la télévision avec notamment ce générique et ses prestations dans les grandes émissions de variété de l'époque. À l'époque, la télévision était divertissante, était vraiment variée du côté du contenu. Rien à voir avec maintenant. Ouais. C'est bien Destination Série sur Fadjet. Nous sommes au 29e épisode de la 23e saison. C'est déjà le 828e numéro. Et je tiens à l'annoncer officiellement. Hein, chaque année, il faut payer pour avoir une adresse pour un site internet. Et là, ne cherchez pas à aller sur samedi.net. Le site est en rade et il n'y a pas que le site qu'on a dans le pif, il y a aussi le fournisseur qui chaque année nous fait des subtilités et comme l'a si bien dit en off Benoît, tout au long de l'année aussi on a des fois des problèmes. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave, on a Sylvain qui a travaillé comme un dingue. C'est dommage, c'est que ça tombe souvent en fin de semaine, oui. C'est souvent les vendredis que ça tombe, c'est dommage. Je suppose que si à la rentrée on demande à la direction de passer le lundi, ça sera le lundi. En fait, je sais pas, ils doivent faire exprès. Donc moi je suis dans le noir total pour cette actu, il va falloir me guider. Moi j'ai allumé la lumière, j'ai allumé Sylvain et hop, ça y est. Et voilà, nous avons un site de remplacement grâce à Sylvain. Voilà. Rendons à César ce qui appartient à César. Je remercie. Entre autres Sylvain, d'ailleurs. Voilà, je remercie les techniciens d'une certaine société. Je ne vais pas donner leur nom, ça va leur faire de la pub. Mais là, je ne vous félicite pas. Je n'aurais pas payé. Je dirais, voilà, c'est normal, le site est dans le couloir d'ombre. Mais non, j'ai payé. C'est pas grave, cher auditeur, voilà. Vous ne verrez pas la différence derrière votre poste. Rien du tout. Nous avons œuvré dans les 10 minutes. Voilà. Comme quoi ça sert l'équipe, tu peux le dire. Ça sert de faire un petit débriefing avant l'émission. Donc, Et en attendant, vous pouvez aller sur Facebook, on peut dire ce qu'on veut. Mais le samedi.net, cet actu, le blog est disponible. Et voilà, vous pourrez retrouver les articles mis en avant sur mes pages sur les réseaux sociaux. Merci les réseaux. Donc, dans Destination Série aujourd'hui, programmation exceptionnelle, puisque aujourd'hui, mesdames, messieurs, sorti un titre, mais alors que Benoît attendait, il trépignait d'impatience. Et si vous êtes sage, on l'entendra dans l'émission. On aura le tube de Benoît. On aura le tube de Benoît. Sage, je n'étais pas sage. On aura le tube de Benoît et attention, le coup de cœur de Sylvain. Je ne vous en dis pas plus. Très comme bon d'hab. On aura le rétroviseur 2.0, le Manon Série Quiz, et là nous allons commencer avec le 7 Actu. Et mesdames, messieurs, aujourd'hui le 7 Actu est très fouillé. J'ai travaillé comme un fou, et j'ai des documents à diffuser, je suis heureux. Enfin heureux, les documents à diffuser, il y en a un, c'est pas très heureux, c'est pour rendre hommage à une personne qui est partie. Mais par rapport aux autres, cette actu, on n'avait pas grand chose, là on a du boulot devant nous. Cette actu avec Laurent et Benoît. Et mon portable frémit. À mon avis, il y a une alerte Benjamin qui n'est pas loin. Alors, du côté du 7 Actu, nous commençons par quelle nouvelle, messieurs ? Eh bien, nous commençons par le début, car c'est bientôt un nouveau jour qui va se lever sur M6. Alors, moi, je suis un petit peu surpris, parce que, vous avez pu remarquer dans le générique que j'ai trouvé le créneau exact de la diffusion de Tout pour la lumière. Oui, alors, excuse-moi, Benoît, mais c'est pas une nouveauté, hein. Non, mais d'accord. C'est pas une nouveauté, parce qu'à chaque fois, oui, voilà, faut bien avouer que tu... Je suis. Tu as toujours les infos avant les infos. C'est vrai. Mais là, tu vois, je pensais que Nouveau Jour, eh bien, ça allait aller vraiment dans la foulée. Mais non, M6 a l'air de prendre un peu son temps, puisque elle nous annonce quand même le générique et la bande originale son qui sera signé au CHI. Attention. Quand oui, même. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Elle nous annonce le générique disponible pour le 13 juin. Donc ça veut dire que, un peu à l'image de TF1, on va entendre le générique pendant, pendant quelques semaines, sans doute, au moins une quinzaine de jours, et le lancement ne sera pas concomitant avec celui de Tout pour la Lumière. Bah c'est malin! Comme ça, on laisse les téléspectateurs avec une nouveauté, une grosse nouveauté de côté de TF1, parce que les feuilletons quotidiens, on aime ou on n'aime pas, mais TF1, maintenant, voilà, ils savent faire. Oui, c'est malin, c'est malin, oui, et ça peut être risqué. Ça peut être malin ou risqué. Je trouve pas. Parce que si le feuilleton arrive début juillet, voilà, peut-être que les bon, c'est vrai que DNA a commencé en plein mois de juillet, c'est vrai aussi. Oui, mais ça a été un carton. On verra bien, effectivement, mais M6 veut mettre les moyens en lançant cette série-là et commence donc par le générique de Oshi qui arrivera la semaine prochaine. Faut quand même préciser, enfin on l'a déjà dit plusieurs fois, mais M6 n'ont pas de bol avec leur production maison. Là, il y a de l'argent qui a été mis sur la table, donc on peut espérer qu'ils sont en train de bien juger comment lancer l'affaire pour limiter la casse. Et en tout cas, je vais passer mon été à surveiller ça de près, puisqu'ils sont exactement à 15 km de mon lieu de résidence d'été. Mmh. Une série n'a jamais été aussi proche. Je pourrais aller vérifier tous les matins ce qui s'y passe. Avec des reportages en live. Avec des reportages peut-être en live. Oh. Et là, j'aurai à ma botte Bruno Solo, Laetitia Billot, Alexandre Varga, Vincent de Sagnage, Jean-Baptiste de Monnier, que du beau monde. Faut espérer qu'il soit un peu plus convivial que Ingrid Chauvin, qui dès qu'elle voit du monde, elle se barre en bagnole. Hein. C'est vrai que, mais avec un beau sourire. Avec un beau sourire, avec, voilà. Elle se barre, mais avec un beau sourire. Toujours voilà. Le sourire, Ingrid. Voilà, c'est mieux que de faire la gueule. On ne critique pas Ingrid, voilà. Parce que... Oui, oui, on ne critique pas. Ingrid. Ici, dans Destination Série, on ne critique pas Boudère, on ne critique pas Corinne Touzet, on ne critique pas les mystères à Nancy, je ne sais pas quoi, les meurtres à Nancy, et on ne critique pas Ingrid Chauvin. Parce que quoi qu'il se passe, oui. Ingrid restera toujours Ingrid, voilà. Et traversera... toutes les turpitudes oui. De cette... Et tous les styles de métier. Là, elle est infirmière, bientôt, elle sera hôtesse de l'air. Non, non, elle, pour l'instant, ça, elle fait ses études d'infirmière. Ah oui, pour l'instant, elle est en stage. Voilà. Elle fait que ça. Mais les cours, elle ne connaît pas. Mais elle a pas. Tout vu. Elle a tout vu. Les épidémies, les... Enfin bref. Allez, on ne se moque pas. On a dit qu'on ne se moque pas. Ah, on ne se moque pas. Donc bref, Nouveau Jour, hein, c'est tourné dans les coins, effectivement, de Montpellier et aussi à Agnan. Et donc, on va vivre tout ça donc, pendant l'été. Et on a eu quelques... Déjà, tu as eu la bande-annonce, c'est ça? Tu vas nous proposer la bande-annonce. De Nouveau Jour. Alors là, oui. Par contre, on est sur M6. Oui, c'est ça. Bah oui, je suis revenu à M6, du coup. Okay. Avec un premier épisode qui s'ouvre sur une scène choc. Laetitia Millot, les mains ensanglantées, se tient près d'un corps sans vie. Alors, c'est inédit, Benoît. C'est complètement inédit. C'est complètement inédit. Parce on commence par un meurtre. Parce que du côté de Demain nous appartient, on n'a pas de meurtre. Du côté de Plus belle la vie, on a des meurtres en ce moment ou et... pas? Oui, on en a. Du côté de la cuisine, ici tu commences. Il y en a un qui devrait continuer les cours de cuisine. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc non, là, mais en plus Laetitia Millot qui se réveille à côté de gens, personnes ensanglantées, dans toutes les séries où a joué Laetitia Millot, ça commençait un peu comme ça. Hein. Ah oui, aussi. Bah rappelle-toi sur TF1 là, et ça commençait par un meurtre hein, et qu'elle se retrouvait mêlée à la vengeance ou je voilà, sais pas quoi. Voilà, c'est là. Ça. Hein, donc bon bref, on va pas polémiquer là-dessus. Non mais au moins là, voilà. Les gens arrivent dans un terrain connu, ils vont pas être trop perturbés. En plus, Laetitia Millot, voilà, elle a ses fans. Donc Et puis, il y a du beau monde. Ça s'annonce comme un beau feuilleton. Voilà, donc l'intrigue, je vous rappelle peut-être l'intrigue, se déroule autour de la famille Bartoli, propriétaire d'un hôtel 4 étoiles en Occitanie. Suite à la disparition en mer du patriarche Lucien, sa fille aînée Louise, donc, qui est jouée par Elena Noguera, je ne l'ai pas dit aussi, mais elle est aussi là, la sœur de Lio, reprend la direction du domaine. Le retour inattendu de sa nièce Théa, avec qui elle n'avait plus de contact, vient bouleverser l'équilibre familial. Et parallèlement à cela, un mystérieux corbeau menace la famille, ajoutant une tension supplémentaire. C'est à son comble. C'est à son comble. Alors, il faut espérer aussi que le succès soit au rendez-vous. Autrement, Hanouna, à la rentrée, c'est pas sur W9. On va le retrouver sur Sister. déjà vu un endroit comme celui-là? Travailler ici, c'est le rêve de ma vie. Si tu fous les pieds dans cet hôtel, tu vas détruire ta famille. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu fais pas partie de ma famille, c'est clair. C'est flippant, non? La vie n'est pas forcément pleine de drama, t'es au courant? Tant qu'on n'a pas de certitude, je peux pas écarter la piste des criminels. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont où, les autres? Nouveau jour, cet été sur M6 et M6+. Ouais, c'est... Voilà, quoi. Hein. Et d'ailleurs, Demain nous appartient commençait avec un bateau qui explosait, non? Exact, oui, hein? C'est vrai. Oui, voilà, il faut un drame. Il faut quelqu'un qui revienne. Il faut un drame. Il faut... Enfin, je sais pas, c'est les classiques. Par contre, ça fait plus saga de l'été... Oui, que feuilleton quotidien. Que feuilleton quotidien. Ok. Si vous me permettez, l'intrigue, tu vois, ça fait un peu saga de l'été. Alors là, si ça fait saga de l'été, sur la grille d'M6, alors tu connais peut-être un peu moins bien M6. Oui, c'est ce que j'étais en train de me poser la question. Voilà. À quel moment? À quel moment ça peut arriver, ça, aux horaires de... Parce qu'en choc frontal avec les trois mastodontes qui a sur TF1... Non, alors, ça va plutôt être peut-être... À la place de scène de ménage? Voilà. Donc, c'est-à-dire quoi? Ça fait 20h10, 15, 20, 30. Donc, ça sera en choc frontal avec sous le soleil. Un si grand soleil. Un si grand, plutôt. Ok. Bah, faut bien que ça passe un moment. Pour qu'il y ait quand même un peu d'audience, un peu de... Oui. Bon, on l'a fait un peu plutôt quotidien, là, mais on n'a pas d'horaire. Hein, on ne sait non, pas non, trop. Non, mais c'est W9 que... Sister M6. C'est vrai que M6 fait un petit peu un peu comme TF1 oui. Et tease petit à petit, n'annonce oui, pas. Donc, il y aura la bande-annonce. Enfin, il y a la bande-annoce. Après, il va y avoir le générique par Oshi. Et puis ensuite, on aura le créneau. Le lancement. Je pense donc aux... Oui, 20h... C'est quoi, 20h10, 20h15 les 25 minutes d'M6, c'est oui, ça? Oui, oui. C'est à quelle heure? Oui, c'est ça, 20h10, 20h15. Oui, parce que le format aussi, ouais, s'y prêterait. Hein. Oui, oui, ça et, s'y prête. Et ça serait un sacré coup de poker, parce que jusqu'à présent, c'était des shortcoms. Oui. On avait En Famille, ou alors Scène de ménage. C'était En Famille l'été, souvent. Ça. C'est, oui, ouais, oui. C'était En Famille. Oui. Donc oui, ça pourrait être à ce créneau-là. Bon, je pense qu'on ne va pas beaucoup se tromper. Hein. Je ne vois, oui. vois pas les médecins en début de matinée ou en début d'après-midi non plus. Eh bien, on vous le dira. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté du feuilleton d'M6. Hein, on ne va pas en faire des caisses. Non. La suite du programme, on se dirige vers quelle info? Eh bien là, on va aussi en terrain complètement novateur, hein, puisqu'on parle d'une série médicale. Ah. Et ça, une série médicale... Ça, on aime, on adore. On adore, on en a plein, on en a plein le stock. Hein. Alors, une nouvelle série TF1, sur TF1, une série médicale. Ça s'appelle Celan et Cindy. Celan et Cindy, avec Natasha Lindinger et Alice Paul. Voilà, c'est produit par les créateurs de HPI. Ah, alors attention. Ah, les créateurs de HPI. Là, du coup, on a une oreille un peu plus attentive. C'est prévu pour 2026. La série va mêler drame, humour et paysages ruraux. L'intrigue suit Louise Célan, Natasha Lindinger, qui est une neurochirurgienne suspendue après une erreur médicale survenue le jour du décès de son père, médecin généraliste dans un village de la Drôme. De retour pour l'enterrement, elle rencontre Cindy, Alice Paul, une infirmière locale excentrique, qui lui propose de reprendre clandestinement le cabinet médical de son père pour pallier le désert médical. Malgré ses réticences, Louise accepte, risquant une radiation définitive. Donc c'est du médical, mais ça se veut un peu de l'humour. Ça me fait penser à une série qu'on avait beaucoup aimé, Laurent, qui se passait en Bretagne. Doc Martin. Doc Martin. Avec Thierry Lhermitte. J'ai adoré ce truc-là. J'ai dévoré ça. C'était complètement barge. Oui. Mais génial. Voilà. Donc là. Moi, c'était le père et le fils là, qui faisaient tout. Oui, il y avait aussi la plomberie, la maçonnerie. Oui. Mais en fin de compte, c'était du barge cassé. Voilà. Donc, et alors le flic. Alors là, le flic de la bourgade. Il y a eu deux saisons, je crois. Deux saisons, et malheureusement, la deuxième saison était moins bien que la première. Était moins bonne, et donc ça s'est arrêté puisque l'auteur n'était plus là. Donc je ne sais pas si ça va être dans cette vie-là, mais ça pourrait. Hein, ouais. Parce que Natasha Lindinger, elle peut être barge. Hein, elle était déjà barge dans Sam. Elle peut faire vraiment un médecin complètement barré, une infirmière excentrique, et donc dans un village un peu rural. Ça peut donner quelque chose qui pourrait être un renouveau de Doc Martin. On vous en reparlera d'ici 2026, bien sûr. Et là, est-ce qu'on arrive à l'hommage? Oui, on arrive à l'hommage. À l'hommage d'une grande voix. Elle était l'une des plus belles voix de nos actrices françaises. Evelyne Selena est décédée. Et il y a un petit moment déjà, mais on l'a appris que cette semaine. Elle est partie le 25 mars dernier. Et la coïncidence veut qu'un extrait du journal de 13 heures de Yves Mourousi de 1983 ressorte sur Internet. Et en 1983, tout le casting français du doublage de Dallas était présent sur le plateau. Et peu de temps après, quelques jours après, on apprend le décès de cette grande voix inoubliable. Si le nom ne vous dit rien, écoutez ceci. Tout est encore plus extra que je le croyais. Ah, qu'il dit-tu ? Le doux bruit des vagues. Le vent chaud qui caresse le visage. Oh. Charlie qui s'est fait enlever. Oh. Nous pourrions peut-être essayer de retrouver le yacht de Charlie et parler à l'équipage. Non, il vaut mieux ne rien faire tant que les kidnappeurs n'ont pas pris contact avec nous. Oui, mais je n'ai pas envie d'attendre assis cloué sur une chaise alors que Charlie a un couteau en travers de la gorge. Je ne peux rien faire d'autre. Mia, j'en pouvais plus. Alors, celles d'entre vous qui ne connaissent pas le maïtraï vont connaître le grand frisson. À Charlie. À Charlie. À Charlie. À Charlie. Tu as bien fait d'inviter Christine. Elle est très sympa. Il m'a pas fallu bien longtemps pour comprendre. Comprendre quoi ? Ce que tu mijotes. Tout le monde pense toujours que je mijote quelque chose de monstrueux. Qu'est-ce que c'est cette fois ? Si tu pouvais trouver un moyen quelconque pour t'en sortir sans trop de problèmes, je suis certaine que tu séduirais ma jolie petite sœur. Je t'ai sous-estimé, ma chérie. Je ne me doutais absolument pas que tu pouvais avoir tant d'imagination. Mais comme tu sais aussi que je serais prête à t'arracher les yeux, tu as décidé de la jeter dans les bras de Bobby. Ça te permettra peut-être de l'éloigner davantage de Pamela. Oh. Tu sais, je n'ai malheureusement pas la possibilité d'influencer les sentiments de chacun. Non, il faut laisser faire la nature. La nature ? Bonne nuit, chérie. Appel à tout l'équipage. Votre attention, s'il vous plaît. Ulysse, je propose une visualisation sur écran central. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Quelque chose d'anormal ? Oui. Je capte une planète non répertoriée sur la trajectoire 1025. C'est curieux. Il ne devrait pas y avoir de planète dans cette zone. J'ai vérifié. Cette planète n'existe dans aucune de mes mémoires. Mais alors ? Shirka, as-tu vérifié notre cap ? Sommes-nous sur la 1025 ? J'ai déjà vérifié notre position. Bizarre, mais conservons notre trajectoire initiale sans rien changer. Inscris cette planète sur notre journal de bord et enregistre-la dans tes mémoires. Enregistrement programmé. Esteban et Zia, dans l'archipel des Galapagos, ont découvert une petite île sur laquelle vit un jeune garçon, Tao. Ses ancêtres, dont la civilisation était très avancée, avaient dissimulé sur l'île un bateau contenant tous les secrets de leur savoir. Nos amis découvrent ce navire fabuleux qui va les conduire jusqu'au nouveau continent. Evelyn Selena, parce que en fait son vrai nom c'était Evelyn Chetrit, mais son nom d'artiste c'est devenu Evelyn Selena. Elle était une actrice française née le 19 juillet 1939 à Casablanca au Maroc. Elle est donc décédée le 25 mars dernier et comme l'a dit Benoît, on l'a appris seulement maintenant. Alors elle a eu une carrière au cinéma, elle a fait du théâtre, mais elle était surtout connue pour son doublage. Elle a prêté sa voix à Glenn Close, Candice Bergen, Jane Seymour dans Dr. Quinn, fan médecin, c'était elle. Oui. Elle a aussi prêté sa voix à Meryl Streep, Hélène Mirren, Jane Fonda, Carrie Fisher dans la saga Star Wars, c'était elle aussi. Voilà, le casting est énorme. Je m'arrêterai une nouvelle fois donc sur Sue Ellen Ewing. Si pendant 14 ans, et avec la nouvelle génération aussi, on a pu apprécier la saga des Ewing. C'était aussi grâce au talent des doubleurs et notamment à son talent à elle et à sa magnifique voix qu'on n'oubliera jamais. Et je voulais dire une chose, là, dans l'extrait que tu as passé sur Ulysse 31, c'est la voix de Claude Giraud qui double Ulysse 31 et il fait aussi la voix d'Indiana Jones. Alors que c'est Richard Darbois, le doubleur officiel d'Harrison Ford. Et en fait, ça m'a surpris d'entendre la voix d'Harrison Ford dans Ulysse 31. Mmh. À l'époque, je n'avais pas l'association d'idées, évidemment. Mais j'étais surpris de retrouver la voix de Claude Giraud. Et à l'époque, voilà, c'était des grands acteurs qui faisaient le doublage. Du côté de Goldorak, quand tu regardes le casting français du côté de Goldorak, là aussi, on a des grands noms. Et c'est des noms qui ont marqué. Du côté des Mystérieuses Cités d'Or, tu as aussi... Topor, Roland Topor qui fait la voix au début pour annoncer le nouvel épisode des Mystérieuses Cités d'Or. C'est lui qui faisait l'intro. Et c'est lui qui faisait l'intro. Voilà. Evelyn Selena est inoubliable et il nous reste donc sa voix dans de nombreuses séries, sa voix qu'on continuera à chérir. Une autre info, parce qu'il est déjà 30, choisissez en une, je vais y arriver dans ce qui reste. Un autre hommage, Loretta Swift est décédée, elle restera à tout jamais donc lèvres en feu. Oui. L'actrice américaine Loretta Swift est donc décédée également le 30 mai, alors, il y a quelques jours. C'était le surnom de son personnage dans la série américaine MASH, qui n'a jamais été rediffusée en France, alors qu'elle a été un carton mondial dès sa sortie, cette série. Elle a aussi enchaîné les rôles à la télévision, notamment dans Mission Impossible, Gunsmoke et Hawaii Five-O. Alors, je pense que là, c'était du côté du Steve McGarrett des années 70. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Loretta Swift. Prison Break. Rapidement, parce qu'il est déjà 30. Les premiers acteurs sélectionnés, Connaît ou pas ? On vous en avait parlé, effectivement, de ce reboot peut-être possible. Là, on a quand même quelques acteurs sélectionnés. Emily Browning, qui incarnerait Cassidy Collins, une ancienne militaire devenue agent de sécurité dans l'une des prisons les plus dangereuses des États-Unis. Et on l'a connue de quel côté ? Sucker Punch ou American Gods. Ouais. Oui, c'est pas Dallas. Un peu plus connu quand même, Lucas Gage, qui va jouer Jackson, un homme politique issu d'un milieu aisé en campagne pour sa première élection au Congrès américain. Lucas Gage a joué dans deux excellentes séries. Oui, Euphoria et The White Lotus. On ne présente pas ces deux grosses séries. Et Drake Rogers, qui interprétera Jimmy, un détenu incarcéré depuis 10 ans dans cette même prison à haut risque. On n'en sait pas plus. Non. À suivre dans les mois à venir. Voilà. C'est dirigé par Ulu qui a demandé. Ulu, merci. Le texte, il est là. Oui, t'inquiète, Sylvain Gelé. Moi, je termine avec l'alerte info Benjamin, parce que alors là, vous ne me l'avez pas donné. Et là, c'est comme à chaque fois, Benjamin, il déniche des infos, mais c'est du béton armé. Alors, attention, accrochez-vous. Un spin-off pour la série Tulsa King vient d'être annoncé. Il s'agit de Nola King avec Samuel L. Jackson en tête d'affiche. Le personnage sera découvert dans la saison 3 de Tulsa King. S'il y a peu d'infos sur le projet, nous savons que la série se déroulera en la Nouvelle-Orléans et que la série sera en exclusivité sur Paramount Plus. Merci entendu. Benjamin. Samuel Jackson, j'ai entendu. Samuel L. Jackson. Ah ouais, Lee Jackson. Et on termine, faut pas rater ça. Oui. Un petit sujet quand même, rapidement, parce qu'on a un autre décès, mais alors et là, c'est du côté de Cosmos 1999. Exactement, c'est Prentice Hancock qui a été connu aussi dans Doctor Who dans les années 70, mais en fait, il est surtout connu pour son rôle de moustachu, le rôle de Paul Morrow dans Cosmos 1999. C'est dans les années 70 aussi, bien sûr, aux côtés de Martin Landau. Il nous a quittés cette semaine et il manquera à la base Alpha. C'est ça. Alors, il a surtout marqué la télévision anglaise, mais en France, on l'a adoré dans Cosmos 1999. Là maintenant, avant de retrouver secrètement vôtre, voici la pépite de Laurent. Nous aurons le coup de cœur de Sylvain et le tube de Benoît. Et attention, mesdames et messieurs, la pépite de Laurent, c'est magnifique. C'est splendide. Benoît va rêver. Benoît va adorer. Franchement, quand j'ai entendu ce morceau, le morceau est beau. Mais alors le clip est à tomber. J'en avais déjà vu précédemment un qui était magnifique. Mais alors celui-là, quand le site samedi.net sera de nouveau en ligne, je vous inciterai à aller sur le site. J'ai mis le clip sur le site. Mais pour vous inciter à retenir le clip, je vais vous inviter à écouter ceci. C'est magnifique. Alors la chanson, le titre, c'est de la bombe. Mais alors le clip avec cette chanson-là, franchement, c'est à ne pas manquer. Je vous donnerai le titre tout de suite après. Ou alors, non, c'est quelqu'un d'autre qui donnera le titre, qui donnera des précisions. South Beach. Sundown. Trees sway like sabers in slow motion, and the heat feels was like Tatooine, but with better cocktails. Luke steps off the speeder, white blazer, blue saber tucked like a switchblade. He's not here to fight, not yet. Leia's got the top floor of the fun and blue glass walls, sharper words. She's running ops with a holomap and a mojito. Chewie's on security, Lando's running the club downstairs. Gold chain, silk shirt, calls himself administrator of style. Feel the pulse, the beat, the ride. Speeders glide, Sims collide, Jedi slide. We bring the force to Miami night. We bring the force. Feel the pulse, the beat. Shows up in a black Cadillac, windows down, breathing like thunder behind designer shades. He doesn't talk much, but when he does, even the tide listens. Says you left the galaxy, but the galaxy didn't leave you. Then lights a cigar with the force, nobody says a thing. C-3PO runs a hotline for droid rights, R2's DJ. Just static on the right channel, and you follow the bass. Feel the pulse, the beat, the ride. Speeders, lights, it's collide. Jedi slide. Feel the pulse, the beat. Alors, je vais demander des précisions à Sylvain. Le titre, apparemment, s'appelle Star Wars Retour dans les années 80. Oui. Miami parodie. Tout à fait. En fait, c'est un YouTuber qui poste que des détournements de films, de séries en images intelligence artificielle. Et donc, on retrouve Harrison Ford à la plage qui est en train de courir avec Leia en train de bronzer. Ouais, mais alors, quand tu sais que l'intelligence artificielle, c'est déjà bien, ça a bien évolué. Oui. Mais des fois, il y a des couacs. Le clip, il est extraordinaire. Alors, il est très propre. Il n'est pas parfait, hein, parce que moi aussi, je l'utilise dans ce que je produis. Il n'est pas parfait, mais il est proche du 100%, évidemment. Ah ben, il faut être difficile. Il est très bien réalisé surtout. Les idées sont bonnes, les images sont de qualité. La musique marche, tout va bien. Et il a refait Harry Potter, il a fait plein de détournements comme ça, Indiana Jones. Je vous invite vraiment à aller voir sur YouTube. Ça s'appelle Saga Lore, L-O-R-E-A-I. Alors moi, j'ai hésité entre celui-là et l'autre clip, qui est tout mignon. Ah, c'est différent, voilà. C'est une production personnelle. Alors par contre, obligé, on le retrouvera dans un prochain Destination Série. D'accord. Le dommage, c'est qu'on ne te verra pas dans l'émission avec ta guitare sur la plage. Je trouve ça... mais il est magique, ce clip aussi. Donc, mais il fallait faire un choix, donc voilà. En fait, tu comptais mettre en avant un artiste. Là, tu en as déjà mis un en avant et on te retrouvera plus tard pour un deuxième. Attention, vous pensez connaître vos séries préférées. Détrompez-vous derrière les enquêtes palpitantes, les plages ensoleillées ou les visions mystérieuses, il y a souvent des secrets bien cachés, des coulisses croustillantes et des anecdotes qu'on ne soupçonnerait jamais. Alors ouvrez grand vos oreilles parce que notre expert du jour a fouillé sous les moustaches impeccables, entre deux tongs oubliés et même dans les flashs du futur pour nous dénicher les histoires les plus inattendues des plateaux de tournage. Préparez-vous à voir vos séries autrement. Voici la rubrique qui fait tomber le rideau. C'est tout de suite dans Secrètement Vôtre. Oui, une minute, j'arrive, une minute. Oh. Allô ? Oui, j'écoute. Que fait-on ? Il faut avoir l'air naturel. Chut. Pas de bruit. T'es prêt ? Ah oui. Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais ? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Si jamais, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique « Secrètement vôtre », présentée par Sylvain. Bienvenue dans « Secrètement vôtre ». la chronique qui farfouille dans les coulisses des séries, comme les chats de Laurent dans un carton vide. Ici, on révèle les secrets que même les figurants n'osent pas murmurer à la cantine. C'est parti. Alors si je peux me permettre Sylvain, oui. J'empiète un peu sur ta chronique, mais là, hier soir, on n'était pas du côté des cartons. Elles m'ont chopé un rouleau de sopalin, et quand je suis parti ce matin, j'en avais dans la chambre, dans le vestibule, dans les escaliers, dans le salon, salle à manger, c'était Noël. Donc il va falloir refaire le Prédéric. Alors, la musique, je ne sais pas si vous l'avez reconnue, c'est Vienna Blood, les carnets de Max Liebermann. C'est une série qui passe sur France 3, et c'est... ça tourne autour des meurtres en costume trois pièces avec Freud en filigrane. Alors, Vienna Blood, bien que le titre fait penser à une valse viennoise avec une petite tache de sang sur le parquet, cette série So British, c'est une production anglaise, mais qui passe, elle se passe à Vienne en fait. Elle est dans la capitale austro-hongroise et du café viennois, bien sûr, nous emmène dans un monde où les meurtres sont aussi élégants que les moustaches sont bien taillées. Alors, le pitch, si vous ne le connaissez pas, on suit Max Liebermann, un jeune médecin fan de Freud, et qui met son esprit analytique au service d'un inspecteur bourru, mais attachant, nommé Oscar Reinhardt. Alors, c'est un duo improbable façon Holmes et Watson, sous morphine douce, et qui navigue entre salons bourgeois et scènes de crime inquiétantes. Mais assez parlé de l'intrigue, ce qui nous intéresse ici, ce sont les petits secrets bien planqués sous les tapis viennois. Alors là, on vient d'entendre une porte, là. Ça manque d'huile. Il y a des bruitages maintenant dans l'émission. Ah d'accord. Alors, la série... Alors, assez parlé de l'intrigue, on va parler plutôt des secrets. Et donc, la série est basée sur les livres de Frank Tallis. C'est un acteur britannique, contemporain, qui bizarrement a choisi de situer son héros juif psychanalyste à Vienne en 1900. Comme quoi on peut vivre à Londres et avoir un petit faible pour les schnitzels et les divans freudiens. Les schnitzels, si vous ne connaissez pas, c'est à goûter. Ça va très bien avec de l'Apfelwein, si vous n'avez jamais goûté. Alors, si vous ne connaissez pas les schnitzels et l'Apfelwein, c'est typiquement allemand. J'ai eu la chance de goûter, c'est sympa. C'est des sortes de viande panée. Voilà. Et du côté de Koblenz, on peut en manger ? Faut demander. Ouais. Je connais pas. Moi j'ai envoyé un message à Thomas. Ah, d'accord. Alors, dans Viennois Blood, Vienna Blood, il n'y a pas de fond vert ou de carton pad. En fait, les scènes sont réellement filmées dans les rues de Vienne, dans des décors somptueux qui font passer le moindre interrogatoire pour une visite guidée. Freud plane, mais ne se montre presque jamais. Il est là, dans l'ombre, un peu comme une application qui tournera en arrière-plan. On parle de Freud tout le temps, on cite Freud, on rêve Freud, mais il n'apparaît presque jamais à l'écran. On dirait un running gag psychanalytique, c'était dur à dire ce mot-là. L'auteur des romans étant lui-même psychiatre, tout ce qui touche à la médecine et à la psychanalyse est traité avec un vrai soin du détail. Résultat, on apprend des trucs sans même s'en rendre compte, ça fait presque de nous des experts du divan. En résumé, Vienna Blood, c'est une série aussi stylée qu'un café viennois avec double chantilly, des meurtres, du mystère, une bromance improbable et une bonne dose de Freud, sans l'ennui. C'est à la fois un polar, un cours d'histoire et une invitation à porter des gilets en tweed. Et maintenant, on va parler de Flash, quand la voyance s'invite chez les flics. Ou comment un médium, un flic et une ado se retrouvent à résoudre des crimes en famille. Flash, ça passe sur France 2. Ça a déjà été diffusé l'année dernière, mais on a droit à une rediffusion cette semaine, et sûrement sur le replay de France 2. Imaginez une médium, sa fille commandante de police et sa petite fille qui commence à avoir des visions. Non, ce n'est pas le début d'une blague, mais bien le pitch de Flash, la série, ou plutôt les téléfilms, parce que le premier épisode dure quand même 1h25. Il a été diffusé ce mercredi sur France 2. Dans Flash, on suit Claire Morvan, qui est interprétée par Miu Miu, une médium aux visions prémonitoires, et sa fille Mathilde, jouée par Marie Denarmeau, qui joue aussi d'ailleurs la chef de Raphaël dans Astrid et Raphaël. Bon, elle ne change pas beaucoup de rôle, cette femme-là. Pas de nouveauté, elle joue encore une commandante donc, mais cette fois à Lille. Leur relation est tendue, surtout que depuis Claire a été suspectée à tort d'un enlèvement, mais les circonstances les obligent à collaborer pour résoudre des affaires criminelles, mêlant intuition surnaturelle et rigueur policière. Alors chaque épisode de Flash est conçu comme un téléfilm indépendant. Le premier a été diffusé donc en février 2024. Il a rassemblé quand même 4,2 millions à l'époque de téléspectateurs. Et fort de ce succès, un second épisode intitulé Double Vue avait été diffusé le 28 mai de cette année. Cependant, avec une belle audience comme ça, France 2 a décidé de ne pas poursuivre la série. La raison, une difficulté à classer le programme dans une catégorie précise. Comme l'a expliqué Miu Miu, d'après la chaîne, c'est parce que c'est une fiction qui n'est pas classifiable et qu'ils ne savent pas dans quelle case la mettre en fait. C'est trop long et trop court, enfin on ne sait pas où la mettre. Une petite précision, même si je peux t'interrompre, c'est qu'en plus, cette série-là, un téléfilm série en rediffusion, a battu le foot mercredi et a battu Espagne-Portugal, alors que TF1 misait sur la Ligue des Champions et s'est fait battre à plate couture par Flash. Moche. Voilà, donc Flash, c'est un mélange audacieux, comme on dit, de polar et de surnaturel, porté par des actrices talentueuses, il faut le dire. C'est une série qui, malgré son arrêt prématuré, a su marquer les esprits par son originalité et son approche intergénérationnelle des enquêtes criminelles. Eh ben on part au camping, hein. On va aller rejoindre les ASNU. Vous avez reconnu la fiesta boum boum de Camping Paradis. Et on va voir les dessous donc ensoleillés du camping préféré des Français, ou comment un faux camping est devenu une vraie institution télévisuelle. Alors Camping, cette série qui sent bon la crème solaire, les tongs et les barbecues entre amis. Mais derrière les parasols et les sourires se cachent des anecdotes savoureuses. Alors on va enfiler nos shorts à fleurs et on va dans les coulisses. Le Camping Paradis que l'on voit à l'écran est en réalité un décor construit spécialement pour la série à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, et plus précisément à côté du camping de l'Arquet sur la Côte Bleue. Un faux camping donc, mais avec une vraie vue sur la mer. Avant de poser définitivement ses valises à Martigues, la série a connu plusieurs lieux de tournage. L'épisode pilote a été tourné au camping Les Coteaux de la Marine, dans les Alpes de Haute-Provence, et les épisodes suivants ont été filmés dans le camping Les Gorges du Chambon, en Charente. Alors, peut-être ce qu'on sait moins, c'est que le rôle de Tom Delorme, donc le directeur du camping, a failli être interprété par Vincent Lagaffe ou Jean-Marie Bigard. C'est assez curieux, mais c'est heureusement, ils ont gardé Laurent Ournac qui a décroché le rôle après son succès dans Mon incroyable fiancé. C'est un choix qui a nécessité de repenser un peu le personnage pour coller à l'acteur. T'as l'air dubitatif. Franchement, aucun regret, hein, parce que... Vincent Lagaffe, ça aurait pu... Bah, il était Géo quand même, donc ça aurait pu coller. Ouais, ça aurait pu coller. Je sais pas. Ça aurait eu une direction différente, mais. Oui. Parce qu'effectivement, maintenant, on a l'habitude de Laurent Ournac, mais je pense que ça aurait pu. Ouais, mais alors avec Vincent Lagaffe, on n'en était pas encore à tourner des épisodes. Hein. Il aurait vite arrêté le truc, il en aurait eu marre. Peut-être. Donc, avec Laurent Ournac, c'est quand même. Voilà. C'est bon enfant, c'est un peu comme Joséphine. C'est sans prétention. C'est un peu comme le nounou, c'est sans prétention, ça se regarde avec ou sans coup de théâtre. Alors Camping Paradis, oui, c'est plus qu'une série, c'est une invitation à la détente, à l'amitié, aux vacances. Et maintenant que vous connaissez ces petits secrets, vous pourrez briller lors de vos prochaines soirées barbecue. C'était donc secrètement vôtre. Je rajoute juste un petit truc, tu sais que c'est devenu aussi une marque de camping. Hein. Oui, c'est devenu une entreprise. C'est devenu, il y a des campings, les Campings Paradis. Oui. C'est devenu une franchise, tu veux dire. C'est une franchise, voilà. Oui, oui. Ça existe maintenant, les Campings Paradis. Et pour avoir rencontré la commerciale pour me vanter les mérites du Camping Paradis, au Camping Paradis, on a tous les artistes de TF1 qui viennent animer vos soirées. Ah, c'était la question. Est-ce qu'on avait la possibilité de rencontrer Laurent Ournac? Ah bah, Laurent Ournac, je ne sais pas, mais Elsa Esnou est déjà venue faire des concerts dans les Campings Paradis. Ouais, de toute façon, elle va partout. C'est vrai. Tous ceux qui ont, à un moment donné, passés par TF1, viennent animer les soirées des Campings Paradis. J'avais un peu raccourci ma rubrique parce qu'effectivement, on peut visiter les décors de Camping Paradis à Martigues et l'Office du Tourisme organise des visites d'ailleurs guidées où on peut découvrir les coulisses, les anecdotes et même acheter des produits dérivés. Mais je vais essayer de faire vite parce qu'on est un peu en retard. Oui, c'est pas un souci. Moi, du moment que tu as rajouté, moi, je rajoute ma vanne. C'est Elsa Esnou, quand elle arrive, tu sais à quelle heure elle arrive, mais tu sais jamais quand est-ce qu'elle repart. Moi, je garde le concert qu'on a vécu à Paris où là, les rappels ont duré 15 ans. Tout de suite dans Destination Série, voici le coup de cœur de... Sylvain. Eh oui, Sylvain qui officie encore une fois avec... On reste avec un tome. Oui, alors c'est pas un, mais une. C'est un peu la surprise, en fait. C'est d'accord. C'est une fille. Donc en off, tu m'avais bien dit que c'était une femme, et quand j'ai vu Tom White, je me suis dit, bah, il s'est planté. Alors, c'est Tom... pas un, c'est une. Mais non, en fait. C'est pas une, c'est un. Alors Tom White, c'est son nom d'artiste, en fait. Ouais. C'est, alors il s'est planté dans son nom d'artiste ou quoi ? C'est un concept, je juge pas. Okay. Chacun fait ses choix. C'est une chanteuse et guitariste âgée de 30 ans. Alors pour vous donner quelques chiffres, elle a 7000 abonnés sur YouTube, 1 300 000 vues, ça commence à causer. Elle a plus de 200 000 followers sur Instagram avec plus de 300 vidéos postées, qui sont toutes d'ailleurs excellentes. Et donc effectivement, c'est mon coup de cœur aujourd'hui, donc Tom White. Alors, pour sa petite histoire, on va faire très vite, son frère prenait des cours de guitare, il jouait toujours les mêmes choses, les mêmes solos, les mêmes accords, et elle regardait jouer son frère, et un jour, par inadvertance, sa mère a mis la guitare du frère dans la chambre de la sœur, et elle a commencé à jouer en recopiant, parce qu'elle avait observé ce que faisait son frère, et elle est tombée amoureuse de cet instrument, et elle chante, elle joue de la guitare, elle est autodidacte, ce qui est quand même incroyable, et... Maintenant, elle se consacre, des influences, Jimi Hendrix, David Gilmour, voilà, je pourrais en citer plein. Elle se consacre maintenant à produire plus de morceaux, parce qu'elle a fait beaucoup de programmes courts, des extraits, des reprises, mais maintenant elle va produire plus de morceaux. Elle en a quelques-uns déjà disponibles. Elle joue 8 à 9 heures par jour, 7 jours par semaine. Et la bonne nouvelle que j'ai appris récemment, elle envisage une tournée en Europe en 2026, ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc, comme je vous dis, elle s'appelle Tom White, et j'ai choisi un titre qui est représentatif de sa voix et de sa qualité sonore, c'est Let's Talk. Alors le titre aurait pu être parfait, à deux mots près, Let's Talk About Love, mais bon, j'en reste là. Every time I see your face, you're smiling. will still be out to get you. Le rétroviseur 2.0. Pour vous montrer qu'on n'est pas à la bourre, en cinquième position cette semaine, nous avons Tandem à 2 967 000. En quatrième, Meurtre au paradis à 3 031 000 téléspectateurs. En troisième, la série qu'on a mis en avant dans Secrètement Vôtre, Flash à 3 095 000, 17,8% de part de marché. Ouais, leader ce soir-là sur France 2. En deuxième, Capitaine Marlowe, 3 316 000. Et en pole position, c'est pas une découverte, Alex Hugo, 4 622 000 téléspectateurs, 25,3% de part de marché. Et on n'a pas eu de négociateur à dégager, en fait. Parce que c'était le final lundi. Et le si négociateur, il est où lundi, le négociateur, il est septième. Ah ouais. Il est septième à 2 790 000. Histoire d'en rajouter une, mais je veux quand même me dire, parce que j'avais pas regardé, oui. Et ben j'ai regardé la dernière soirée. Et alors, t'as bien aimé ? Et ben j'ai bien aimé. Oui. Mais c'est pas mauvais. Bah oui, mais parce que je me suis dit, j'étais en train de bricoler et TF1, j'ai laissé TF1. Mm. Et ça a commencé, et ben je me suis arrêté et je me suis assis et j'ai passé la soirée devant alors que j'avais pas vu du tout les deux premières soirées. Alors donc j'ai eu du mal à un peu à raccrocher, mais franchement. Il y a des bons acteurs. Et c'est pas si. C'est bien. Non, puis c'est pas si comme les trucs qu'on a l'habitude de faire. Il y a un petit côté nouveau quand même. Donc je retire ce que j'ai dit la dernière fois sans avoir vu. Et Sylvain avait raison. Vu et oui, Sylvain avait bien vendu le truc et voilà, j'ai vu la dernière raison. Fois. J'ai aimé. Ça veut pas non, mais dire voilà, non, mais tout j'ai aimé, compris. Hein. Et moi je compte pour du boudin parce que moi aussi j'avais regardé, j'avais donné mon commentaire, mais tout le monde s'en tape. Non, mais c'est vrai. Les derniers seront les premiers. La semaine prochaine, en ouverture, nous retrouvons le futur nouveau générique du futur nouveau feuilleton de TF1. Oui, qui est sorti ce matin. Tout pour la lumière. Je veux pas d'une vie rangée, vivre chaque moment comme le dernier. Sur moi tous les fils braqués. Benoît, rapidement, le feuilleton arrive quand sur TF1 ? Il arrive lundi en 8 et alors à mon avis, c'est quand Netflix ? Fin de semaine prochaine, oui. Hein, je crois. Donc vous pourrez voir les 5 épisodes dès jeudi ou vendredi prochain et à partir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 18h sur TF1. Destination série, le Manon série quiz. Alors Sylvain et moi, on a une pensée pour Manon. Qui effectivement oui. n'aura pas l'émission. Sauf que si peut-être qu'elle est en direct. Je sais pas, ma chérie, ouais. Si tu nous écoutes, parce que tu avais des non, examens samedi, jusqu'à 17h. Il y a samedi point né, dès que ça remarche, c'est donc, bon. Donc si tu nous écoutes en direct, tu pourrais me faire un signe. Mais oui, voilà. Alors là, vu où elle est, le signe, accroche-toi. Hein. Si, mais là, on perd faire. Du temps, il est 58, allons-y, donc là, allons-y. Si on veut qu'elle puisse écouter au moins 2 minutes sur le podcast de Fadjet, voici donc le premier fichier que Manon nous a envoyé lundi. C'est dire comment elle était sur le starting block. Bonjour, bonjour, bonjour, bienvenue dans le 25e épisode de la deuxième saison du Manon Série Quiz. J'ai pu réécouter l'épisode en entier de la semaine dernière. Enfin, quasiment en entier. Parce que je n'ai pas entendu si vous aviez trouvé le générique de la semaine dernière. Je rappelle, j'ai mis des petits easter eggs derrière moi quand je parle. C'était générique de série dont je parle dans l'épisode. La semaine dernière, j'avais parlé de Tout pour la lumière. Malheureusement, nous n'avons pas encore le générique. Si. Mais je vous avais dit que ça ressemblait un petit peu à du Glee, à tout ça. Donc, c'était le générique de Glee derrière moi la semaine dernière. J'espère que vous l'avez trouvé. Ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Et donc, le petit jeu est toujours là. Hein. Il faut trouver quel générique j'ai mis derrière moi aujourd'hui. Bref, ce n'est pas ça le principal de cet épisode. Je rappelle, avant de commencer, les scores. Nous sommes à 29 pour Benoît, 25 pour Laurent et 4 pour Sylvain, le petit dernier qui est arrivé, donc c'est normal qu'il ait 4. Et donc, la première question, c'est un générique. C'est pas le générique derrière moi, c'est un autre générique. Quelle est la série ? Meurtre au paradis. Ah, ou alors le spin-off sur France 3. Non, c'est pas Meurtre au paradis, c'était pas la musique là, si. Le spin-off sur France 3, là, Paradis, je sais pas quoi, là. Il est pas encore sorti. Hein? Bah oui, il est pas sorti. Il y a pas la date encore. Bah, j'en sais rien, moi. Mais non, pas le premier. Ah, le pas le troisième. Ah oui, le premier. Pas la troisième série. Oui, le deuxième. En fait. Le deuxième spin-off sur France 3, les dimanches. Ça s'appelle comment ? Justement, j'ai fait une chronique dessus, ça m'inquiète. Bah, Paradis, je sais pas quoi, là. Il y a toujours Paradis dans les spin-offs de Meurtre au paradis. Ouais. Donc on y va pour le deuxième. C'était Mystère au paradis. Mystère au paradis, voilà. Bon. Oui, France 3, Mystère. Bah oui. Bah oui. Les meurtres, les mystères, c'est France 3. Tu crois que c'est ça ? Hein ? Donc j'en sais rien. Moi. Demi point peut-être. J'ai aucune idée. Alors là, franchement. Aucune idée. Je réécouterai bien, mais on n'a pas le temps. Donc bon. Vas-y. Allez, on réécoute. Non, mais. Voici la réponse. Oui. Ce générique, c'était le générique de Tandem. Voilà, wow. Super bande France 3 de quand Tandem, même. Je ne savais pas, je me suis plongée dedans là pour l'émission. Super bande son, ils ont vraiment de bonnes musiques. Bref, on passe à la deuxième question. Je réitère par rapport à la semaine dernière, sauf que cette fois-ci, je n'ai pas mis 5 mots, j'ai mis 3 mots, donc pour deviner une série grâce à ces mots. Ah oui. Voilà, parce que cette série était quand même assez simple, donc je me suis dit 3 mots, ça suffira. Les mots sont duo, autisme et enquête. Rachel et Astrid, la série Rachel. Astrid et Raphaël. Quelle est la série ? Voilà, bonne chance pour nous départager parce qu'il n'a pas dit les bons prénoms. Et moi, j'ai rattrapé sur le coup. Hein. Là, c'est... Et moi, je croyais que c'était un rébut, en fait. Il y a un mixeur qui s'est mis en route, mais alors... C'est après, t'as commencé hein. par le... C'était du Blooby Volga. J'arrivais pas, mais tu m'as aiguillé. Donc là, à mon avis, c'est... Non, mais moi, je pourrais rentrer dans le costume de Casimir, donc bon. C'est normal, hein, Blooby Volga. Ouais. Bon, alors... Donc, on y va. Donc, la réponse, la voici. Quelle surprise. La série était Astrid et Raphaël. Ouais. Ouais. Avec le mot duo et autisme, je pense que ça a dû vous mettre effectivement. La puce à l'oreille. Bonne chance, Manon, pour et savoir... Et pour finir sur la nouvelle quiz, la troisième question, c'est une critique de quelqu'un sur une série. Grâce à cette critique, vous devez trouver la série. Je vous lis. Enfin, un comics où on ne rencontre pas des guignols roses ou verts venus de l'espace, entre deux soirées pizza. Sérieusement, je suis de plus en plus surprise par cette série. Au début, j'avais des doutes au vu de l'épisode 1, mais plus la série avançait, plus ça me plaisait. D'art j'ai du mal à croire que ça se passe dans le même univers que Arrow. Bravo à l'acteur principal Flash qui a totalement réinventé le personnage. Non. Moi, j'aurais dit Daredevil, mais bon. Mais Daredevil, c'est mais dans l'univers de... Il n'y a pas une nouvelle série DC Darrow Comics qui est sortie C'est DC Comics, hein, elle a dit. Hein. C'est pas Marvel. Ouais. Elle a dit Comics. Elle a dit comics. Hein. Bah moi j'ai compris DC Comics. Oui, moi, aussi, hein. Ah, moi j'ai lu comics. Ouais, ouais. Non c'est pas comique. Hein. Bah, moi j'ai lu comics, mais elle a pas précisé si c'était DC ou l'autre. Bah c'est pas d'ailleurs. Il fait trop chaud dans le studio. Non, on est en train de perdre Laurent. Non, on est en train de perdre Laurent. C'est bon. C'est plus rétroviseur à toute vitesse. Je sais pas si t'as remarqué. Il est parti à toute vitesse. Non, mais là, quand il accélère, c'est foutu. Bon, bah alors écoute, on a Daredevil ici. Moi, j'ai dit Flash. Et toi, tu dis. Ouais, je dis Agent Carter. Non, je pense pas que ce soit Flash, mais Daredevil. Oui, la nouvelle version de Daredevil. Oui, à mon avis, je pense que le point va aller à Sylvain. On va voir. Voilà, alors un comics, parle de l'univers d'Arrow aussi. C'était la série Superman et Lois, une super série qu'on avait avec Lois et Benoît. Lois donc, et Superman. Donc voilà, j'espère que ce petit moment de Superman vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Bon week-end. Bon week-end Manon. Bon week-end Manon. Donc du coup, ça fait quoi? Ça fait pas grand-chose. Beaucoup de points, là, je sais pas comment elle va. Peut-être un point, ou alors pas de point du tout, hein. Je sais pas comment elle va faire, mais là, je lui souhaite bonne chance. Parce que là, je suis incapable. Et Sylvain. De toute façon, on est sauvés parce que on a commencé le jeu, il était 58. Ah oui, c'est bien. Pardon. C'est 58, donc. Non, bah oui, en plus, c'est bon. Elle est pas à l'écoute. En plus, samedi pour FR et HS. Donc, accroche-toi pour avoir l'intégrale de l'émission. C'est un florilège ce week-end. Bon. Si, mais normalement, elle peut écouter. En écoutant, ça ira mieux demain. Elle devrait écouter l'émission dans Ça ira mieux demain. Ah oui, il faudrait lui donner le tuyau. Bah, qu'elle écoute le podcast de Ça ira mieux demain parce qu'on déborde. Vrai, ouais. Bah oui, c'est vrai. Allez, on vous aime bien, mais il y en a qui ont d'autres choses à faire. Exactement. Et moi aussi, j'ai autre chose à faire. Il faut que j'aille récupérer mon sopalin qui est distribué dans la maison. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous laisse en compagnie de Benoît qui va gérer la réalisation de l'émission. Ah. Je t'ai pas dit de t'en aller, je t'ai dit juste d'enchaîner. Ah ouais, il faut expliquer parce que là, moi, c'est la fin de semaine, je suis claqué. Oui. Donc il faut que je reste. Bon, alors je suis encore là et c'est vrai qu'il lance le générique. Il y a quoi là? Il y a une bombe depuis le. Il y a un truc qui s'est vaporisé. Oui, allez. Alors attention, ouais, je pousse mon doigt, je pousse le curseur et le générique démarre.